Bonsoir, bienvenue sur Radio Panique, 105.4 FM. C'est l'émission Journal sans papier, la quatrième édition ce soir. Donc je rappelle un peu le principe de l'émission, c'est une émission qui est ouverte à tous. On insiste d'ailleurs pour que toute personne qui souhaite mettre un peu son grain de sel dans les reportages et dans la présentation de l'émission puisse venir participer. Donc surtout pour faire l'état de l'actualité des luttes des sans-papiers pour la régularisation. La lutte est aussi contre les centres fermés, contre la politique d'expulsion de la Belgique, et on essaye de mettre en évidence ici toutes ces luttes qui ont lieu pour le moment et depuis un temps déjà dans notre pays. Donc nous avons aussi l'ambition d'aborder la question des migrations de manière plus générale, plus globale, en Europe et dans le monde, et ainsi de pouvoir faire la correspondance avec les rapports entre le Nord et le Sud, remettre tout ça un peu à l'échelle mondiale de notre monde globalisé aujourd'hui. Alors donc cette émission est retransmise également sur Radio Air Libre. Sur Radio Campus, Radio Air Libre n'est pas encore... Sur Radio Campus d'ailleurs. Sur Radio Campus le lundi à 14h30, donc c'est en différé. C'est une bonne idée hein, le Radio Air Libre, il faut les appeler. D'ailleurs. J'anticipais. Donc, si vous voulez vous joindre à la préparation de l'émission, n'hésitez pas à nous rejoindre donc dans les locaux de Radio Panique, le vendredi à 17h. Donc, je rappelle l'adresse, c'est le 49 rue Saint-Josse, ou de nous contacter sur l'adresse mail de Radio Panique, papier au pluriel, @radiopanique.org, ou de nous joindre par téléphone au 02 732 14 45. Et vous êtes tous les bienvenus. Alors, ce soir, nous avons la chance d'accueillir un invité de marque, très très investi dans le mouvement des sans-papiers depuis une dizaine d'années aujourd'hui. C'est Mathieu Biettelot. Alors bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous sommes assez ravis de pouvoir t'accueillir du fait de ton parcours aussi varié que divers, multi-expérimental, si je puis dire. On peut dire ça. C'est-à-dire que, bon, tu as été... Polyvalent. Polyvalent, on dit ça aussi. Tu as été chercheur au GERM, donc c'est le groupe d'études sur l'ethnicité, le racisme, l'émigration et l'exclusion à l'ULB. Tu es actif depuis 1998 dans divers collectifs qui tournent autour de la lutte contre les centres fermés, contre les expulsions. On peut citer la CLIC, la Coordination pour la liberté d'installation et de circulation, les Piments Rouges. Tu as également, dans le cadre de tes recherches, tu fais également partie du réseau Migre Europe. Tout à fait. Qui porte sur la question des migrations à l'échelle européenne. Plus particulièrement des camps, ce qu'on appelle les camps, qui est un terme générique qui reprend toutes les formes de... pas seulement d'enfermement, mais d'assignation à résidence, de regroupement de migrants en Europe et maintenant aux bordures de l'Europe. Voilà, question très vaste que nous espérons pouvoir exploiter aussi plus en détail tout à l'heure. Alors, dans ton expérience aussi, on peut noter que tu as été visiteur des centres fermés pour l'association LEMRAX en 2002, que dans ce cadre-là, tu t'es basé aussi sur ces visites pour... faire tout un travail de recherche très approfondi sur les centres fermés. Et par ailleurs, tu travailles aujourd'hui à Bruxelles Laïque en tant que coordinateur sociopolitique, me semble-t-il. Et dans ce cadre-là, tu t'occupes particulièrement d'organiser, de co-organiser, on va dire, avec les citoyens, le festival Couleur Papier, dont tu nous diras deux mots, on espère, tout à l'heure également. Je n'y manquerai pas. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce panel déjà bien rempli et très polyvalent de ta personne ? C'est déjà bien vaste. On pourrait être exhaustif, mais je crois que ce n'est pas le lieu ici. Juste donc préciser que je m'intéresse aux questions de migration, de sans-papiers, etc. Mais plus particulièrement, et je pense que c'est de ça qu'on partira ce soir, à la question de l'enfermement, des centres fermés. Et alors peut-être après, mais ça c'est toujours plus complexe sur des solutions politiques, la recherche de solutions au niveau politique et au niveau global. Alors justement, c'est également ça qui nous intéresse ce soir, de pouvoir imaginer des solutions politiques, mais d'abord il faut faire le constat et l'état des choses actuelles. Donc en partant par le pourquoi ces centres fermés existent. On va commencer par là et puis on verra bien où nous mène cette question qui finalement à un niveau très local peut dévier sur une question de politique européenne beaucoup plus globale. Donc est-ce que tu peux un peu nous parler de l'apparition des centres fermés et du pourquoi? Oui. Alors, les centres fermés, c'est une institution relativement récente, exactement 20 ans en Belgique. Alors, je me suis évidemment demandé pourquoi, à un certain moment de l'histoire, apparaissent des institutions quand même aussi dures, aussi fermées, comme elles s'intitulent, que les centres fermés à un moment de l'histoire. Quand on prend du recul, on constate que la possibilité d'enfermer un étranger indésirable ou un étranger qu'on souhaite éloigner, elle existe depuis donc en Belgique, depuis l'existence de la Belgique. Parmi les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement provisoire, il y avait déjà la possibilité d'expulser et donc d'enfermer au préalable un étranger. Mais ça a très peu été mis en pratique et donc on n'a pas jugé bon de créer à cette époque des camps, des centres ou que sais-je pour mettre en pratique ces dispositions. Ce n'est que dans les années 80 que sont apparus les centres fermés. Alors on va pas faire toute l'histoire de l'immigration en Belgique. Mais on peut dire que ce qui a changé dans les années 80, enfin les années 80 ont été la concrétisation de changements qui ont eu lieu un peu avant, dans les années 70. C'est d'une part, on le sait bien, la fin de l'immigration de travail. Donc en 74, on arrête toute possibilité pour la main-d'œuvre étrangère de venir en Belgique afin d'y travailler. Les seules voies pour encore entrer en Belgique pour un migrant sont le regroupement familial, qu'on met en place plus ou moins aussi à cette époque-là, et le séjour limité aux études. Pour les autres migrants, il n'y a plus moyen de rentrer en Belgique. Alors il y a une troisième possibilité, mais qu'on a toujours mis à part parce que ce n'est pas considéré comme de la migration, c'est l'asile, qui est, lui, non pas une possibilité, une voie de migration, mais qui est un droit international consacré par la Convention de Genève et qui a toujours été mis à part de l'immigration. Avec les années 70, donc, il n'y a plus d'immigration et qu'est-ce qu'on constate quelques années après, donc dans les années 80, c'est que il y a une augmentation phénoménale des demandes d'asile, qui s'explique à la fois par des changements au niveau mondial, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui font qu'il y a Il y a plus de raisons et plus de moyens aussi de fuir son pays loin, donc de changer de continent. Mais aussi, justement, parce que, il faut bien dire ce qui est, vu qu'il n'y a plus d'autres moyens de rentrer en Belgique, l'asile est devenu la chance qu'ont tenté la plupart des gens qui voulaient entrer en Belgique. Et donc, c'est parce que la demande d'asile commence à poser problème. Avant ça, je l'ai dit, elle ne posait pas problème. C'était un droit, on se faisait une fierté de le respecter. Mais à partir du moment où ça pose problème, quantitativement... Non, je l'ai raté. Quantitativement. Puisque les demandes augmentent énormément. Et ça commence alors à poser qualitativement problème aussi, puisque tout le discours qui se développe à ce moment-là, c'est tous ces gens qui se poussent à nos portes pour demander l'asile sont des faux demandeurs d'asile. Le fameux discours sur les faux et les vrais. Et donc, on met en place toute une série de mesures pour trier les vrais et les faux. Notamment, avant ça, vu que l'asile était un droit imprescriptible, la personne qui arrivait en Belgique pour demander l'asile, on lui laissait accéder aux institutions, on la laissait rentrer en Belgique pour qu'elle puisse demander l'asile. Donc, elle ne devait pas remplir toute une série de conditions qu'on demande aux autres personnes qui passent la frontière, des conditions de visa, de moyens d'existence, etc. La personne qui demandait l'asile n'avait pas de visa ou n'avait pas les autres conditions, mais disait « c'est normal que je ne les ai pas puisque je viens demander l'asile ». On la laissait rentrer. À partir du moment où il y a cette phobie du vrai et du faux, on dit « c'est plus possible ». Les personnes qui arrivent à la frontière et qui n'ont pas les conditions et qui disent « je n'ai pas les conditions parce que je demande l'asile », vu que c'est peut-être des faux, on ne va plus les laisser rentrer. Et donc, en 87, on change la loi et on dit, cette exception pour les demandeurs d'asile, elle est supprimée. Si le demandeur d'asile n'a pas toutes les conditions, il ne peut pas rentrer dans le territoire tant qu'on n'a pas jugé sa demande recevable. Ça, c'est le changement de loi qui a lieu en 87. Et on change la loi sans réfléchir aux conséquences. Du coup, les mois qui ont suivi, il y a une foule de gens qui sont bloqués à l'aéroport, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer, et qui attendent de voir si leur demande est recevable. Et ils sont bloqués à l'aéroport, et on ne sait pas quoi en faire. Et bien, c'est comme ça qu'on invente le premier centre fermé, qui est institué donc, à l'aéroport de Zaventem en 88. Il est le 127 bis, je pense. Le 127. Il est le 127 qui est mis en place dans l'aéroport. C'est vraiment un baraquement. C'est tout sauf un lieu qui respecte des conditions sanitaires et d'hygiène. C'est un lieu qui est improvisé en 88. Et c'est intéressant aussi à souligner, quand on voit l'étude de cette institutionnalisation des centres fermés, c'est que donc il y a un changement de loi en 87 qui crée une situation qui nécessite le centre fermé, mais sans avoir prévu la possibilité de centre fermé dans la loi. En 88, on crée le centre fermé, et ce n'est qu'en 91 qu'on réforme une nouvelle fois la loi pour entériner l'existence de centres qui est là depuis 3 ans sans fondement légal. Et ça a été comme ça tout le temps dans toutes les réformes. J'imagine que vous savez que la loi sur les étrangers est une des lois qui a été les plus révisées. On en a plus de 20 réformes depuis 1980. Et toutes les réformes qui ont concerné la question des centres fermés, de l'enfermement, c'est chaque fois des réformes qui viennent après coup entériner une situation mise en place par l'administration ou par le ministère de l'Intérieur, mais sans passer par la voie législative. Et de cet état de fait, on a commencé à en créer de plus en plus. Est-ce que tu peux expliquer? Voilà. Alors, j'imagine qu'on n'a pas le temps de faire toute l'histoire, mais donc dans un premier temps, c'est juste pour ces demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport et qui ne peuvent plus rentrer tant que leur demande n'est pas jugée recevable. Et petit à petit, on a élargi. La loi de 93 élargit. On décide que c'est plus seulement les demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport, mais c'est aussi ceux qui font leur demande d'asile sur le territoire sans avoir une série de conditions. On décide qu'on va aussi mettre dans ces centres les personnes en séjour irrégulier qui se font donc qui étaient peut-être arrivées régulièrement, mais qui après entrent dans l'irrégularité et se font choper sur le territoire. Avant, on les mettait en prison. Il y a en 92 des négociations entre la justice et l'intérieur en disant il n'y a plus de place dans les prisons, donc on décide de mettre ces personnes-là aussi dans les centres fermés. Donc ça, c'est en 93. En 96, il y a en plus la convention Schengen qui entre en application, et il y a toute une série d'obligations européennes qui fait qu'on peut ou qu'on doit, selon la façon dont on dit des choses, enfermer encore plus de monde. Et donc, en 96, on élargit encore le nombre de personnes, le type d'étrangers qu'on peut enfermer. On élargit aussi, il y a tout un débat sur la durée de détention qui a fortement varié. En 96, elle est arrivée à son maximum, c'est-à-dire illimitée. Et donc, à chaque réforme, évidemment, on construit alors aussi des centres pour évidemment mettre en application ces politiques. Il y a maintenant donc en Belgique 6 centres fermés. On dit 6 centres fermés, c'est un terme générique, mais le terme officiel, le centre fermé n'apparaît pas dans les textes légaux, et il y a en fait des petites différences, mais que je vais juste vous citer et pour vous dire tout de suite qu'elles sont pas si effectives que ça dans la pratique. C'est que donc il y a le centre 127 qui est un centre de transit, donc pour les personnes qui arrivent à l'aéroport et le temps théoriquement qu'on étudie la recevabilité de leur demande. Il y a le centre INAD pour passagers inadmissibles, qui est un centre très particulier auquel aucune ONG n'a accès. On ne sait pas très bien ce qui s'y passe. C'est un centre normalement où les gens ne restent pas très longtemps, puisque ce sont ceux qui arrivent à l'aéroport sans les documents, qui ne font pas de demande d'asile et qui repartent par l'avion suivant, quoi. Donc là, il n'y a même pas de procédure administrative. On les parque là le temps qu'il y a un nouvel avion qui repart vers leur pays. Il y a ensuite le centre 127 bis, qui lui est un centre de rapatriement. Donc théoriquement, ce sont les demandeurs d'asile déboutés en fin de procédure qui sont de nouveau parqués là en attente de leur éloignement. Et puis il y a 3 centres, donc les 3 premiers que j'ai cités sont dans l'enceinte de l'aéroport. Il y a 3 centres sur le territoire qui sont, eux, des centres pour illégaux. Le centre pour illégaux de Votem, le centre pour illégaux de Merksplaats et le centre pour illégaux de Bruges. Et donc théoriquement, on voit qu'il y a des centres pour les demandeurs d'asile en début de procédure, d'autres en fin, d'autres pour les personnes irrégulières. Mais en pratique, Et c'est vraiment pour des raisons pratiques, parce qu'il n'y a pas assez de place dans tel centre, parce que il y a une émeute dans tel autre centre, et on décide de diviser le mouvement en éparpillant les gens. Donc finalement, dans tous les centres fermés, on retrouve tous les profils. Des demandeurs d'asile en début de procédure, des demandeurs d'asile frontières, des demandeurs d'asile territoire, des demandeurs d'asile déboutés et des personnes en séjour irrégulier. Et est-ce qu'on peut imaginer que les conditions de vie sont les mêmes dans tous ces centres ? Non, elles ne sont pas les mêmes. Il y a d'abord donc une différence entre le centre INAD, dont je vous ai dit, on ne sait pas grand-chose, et là c'est la précarité la plus extrême, mais compensée par une très très courte durée de séjour. Il y a le centre 127 qui est très précaire aussi, mais qui, je pense, est en cours de réfection, ou je crois qu'on en construit même un nouveau. Je pense qu'il est question d'un 127 tris. Eh bien voilà. T'as pas beaucoup d'imagination sur les noms. Hein. Non. Alors. 127, c'est le numéro de la rue ? C'est un numéro. C'est l'emplacement dans l'aéroport. C'est à l'intérieur de l'aéroport. Ce sont des. C'est pas des. Pas des hangars, mais des. Des docks de l'aéroport. Ouais, ouais. Je retrouve une zone. C'est des zones à l'intérieur de l'aéroport. Le 127 est aussi assez précaire et les gens, théoriquement, n'y restent pas très très longtemps. Mais les conditions de vie sont quand même insupportables. Et puis, les quatre autres centres, on peut un peu les regrouper, même s'ils ont théoriquement des fonctions différentes. On peut les regrouper parce que, contrairement aux deux premiers que je viens de citer, les quatre autres sont régis par un arrêté royal qui est le même pour tous les quatre. Donc là, il y a une série quand même de règles. On a mis un certain temps avant de les avoir. Hein. Pendant des années, c'était des lieux qui étaient dans le flou juridique absolu. Il y avait bien des règlements internes, mais auxquels personne n'avait accès, qui n'avaient pas été validés par un processus un tant soit peu démocratique, qui est au moins le Parlement ou le gouvernement. Donc il y a eu un vide juridique pendant longtemps, puis il y a eu un arrêté royal, mais qui ne concerne quand même que 4 centres sur 6, qui a été cassé par le Conseil d'État. Donc on a de nouveau été dans le flou juridique. Donc c'est un arrêté qui datait de 99, donc quand même 10 ans après la mise en place du premier centre fermé. Il a été cassé, il y a de nouveau un flou juridique, et depuis 2002, il y a un nouvel arrêté royal donc qui fixe un peu un minimum de règles sur le fonctionnement de ces centres. Et donc là, entre ces quatre centres-là, qui sont régis par le même arrêté royal, on constate quand même aussi des grandes différences d'un centre à l'autre, qui elles sont dues au type de bâtiment. Donc dans le cas du 127 bis et de Votem, ce sont des bâtiments qui ont été construits en vue de devenir des centres fermés. Donc on a fait les plans, ça a été réfléchi, ça permet, tout a été réfléchi en termes d'ouverture électronique des portes, de caméras, etc. Ce qui fait que c'est un centre, on va dire, une technique de surveillance plus moderne, qui fait qu'en apparence, il y a plus de liberté. Les conditions de vie ont l'air plus agréables parce que les détenus, moi je les appelle des détenus, même si le terme officiel est... Occupant. En général, on dit résident, mais le terme dans les textes légaux, c'est, moi je trouve ça quand même, ça mérite d'être souligné, c'est drôle ou de mauvais goût, ce sont les occupants. Alors je ne sais pas si on fait référence à d'autres occupants, mais voilà, donc on les appelle les occupants, moi je les appelle des détenus parce que je considère qu'ils sont dans un régime carcéral et eux se perçoivent comme ça aussi. Donc les détenus à Votem et au 127 bis ont un peu plus, on va dire, d'aise ou de liberté à l'intérieur du centre parce qu'ils peuvent aller de leur chambre aux salles de séjour, ils peuvent voir leur famille, etc. parce qu'ils sont surveillés par caméra et par porte électronique, etc. Tandis qu'à Bruges et Merckxplatz, où ce sont des centres qui ont été installés dans des bâtiments vétustes, une ancienne prison pour Bruges, centre pour vagabonds, donc les migrants sont les nouveaux vagabonds d'aujourd'hui. On a aboli l'interdiction du vagabondage, mais on a réutilisé les lieux pour enfermer des migrants qui sont des vagabonds au niveau mondial. Donc ce sont des bâtiments qui sont vétustes et dont on n'est pas sûr, et ce qui fait que les détenus sont beaucoup plus surveillés. toutes les portes sont fermées à clé. Donc, dès qu'ils veulent franchir une porte, y compris pour aller à la toilette, ils doivent être accompagnés d'un gardien. Vu que le bâtiment ne permet pas de la surveillance partout, etc., ils ont un régime collectif beaucoup plus strict. C'est-à-dire qu'ils font tous la même chose au même moment. Ils se lèvent tous à la même heure, ils se lavent tous les dents à la même heure. Et c'est très, très, très, très strict comme régime collectif parce qu'il n'y a pas les mêmes possibilités de surveillance. On imagine que ça a des répercussions au niveau de l'intimité, au niveau de... Des très fortes répercussions sur la vie privée des détenus. Et c'est d'ailleurs, pour revenir à un thème que vous avez déjà abordé, on dit les centres fermés ne sont pas des prisons. La plupart des détenus, des personnes que j'ai rencontrées qui ont connu la prison et le centre fermé disent tous préférer la prison. Et la raison qui revient le plus souvent, c'est celle-là. C'est que, en prison, bon, à part le fait qu'ils savent pourquoi ils y sont, etc., quand c'est pour un délit de droit commun, en prison, bon, ils sont enfermés, mais dans leur cellule, ils font ce qu'ils veulent, regarder la télé ou pas, dormir ou pas. En centre fermé, le régime collectif fait que, ils regardent la télé au moment où on leur dit de regarder la télé, ils dorment au moment où on leur dit, et l'anecdote qu'ils racontent à chaque fois, c'est pendant le temps dans la pièce de séjour, s'ils veulent faire une sieste à ce moment-là, donc ils peuvent pas aller dans leur chambre, mais même s'ils s'endorment dans le séjour, les gardiens les réveillent parce qu'ils doivent dormir la nuit et pas pendant le moment de détente, entre guillemets. C'est assez terrible. Quelle est la relation qu'ils ont avec les gardiens et quelle est la fonction de ces gardiens, finalement, et du personnel des centres fermés vis-à-vis des occupants? Donc le personnel des centres fermés... Il y a différents types de personnel, mais ont tous pour point commun d'avoir dans la définition de leur fonction, leur mission principale est de contribuer aux objectifs du centre fermé, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre pour amener les occupants à accepter, donc pour les préparer à leur retour, pour les amener à accepter la décision d'expulsion qui les attend. Et je n'ai plus la phrase de mémoire, mais il y a certains textes, je crois que c'est pas l'arrêté royal, mais des textes de l'Office des étrangers, qui vont même jusqu'à dire qu'il faut conditionner les personnes en centre fermé à leur retour au pays, quelle que soit la décision prise sur leur dossier. Donc apparemment, on anticipe que même quelqu'un qui aurait une chance d'être accepté à l'asile ou voire à une régularisation ou à une autre démarche qu'il fait, il faut quand même le conditionner à retourner dans son pays. Il y a un rapport de centre, c'est celui de Merzplatz, qui définit le personnel en je vais mal le prononcer, mais c'est Terugkeer Amtenaar, je crois. Donc, fonctionnaire du retour. D'accord, ça laisse présumer et imaginer effectivement les relations qui doivent se mettre en place entre les détenus et les gardiens. Voilà. Mais est-ce que par rapport à cette mission qui est celle justement du retour dans le pays, de l'expulsion finalement, est-ce que ces centres montrent réellement une certaine efficacité? Est-ce qu'ils arrivent à accomplir ces objectifs et les missions pour lesquelles ils sont mis en place? Alors justement non, et c'est là tout le point de départ de toute mon analyse plus en tant que chercheur, mais qui colle à mes visions militantes aussi. Justement, donc tout ce dispositif, comme je l'ai dit, le personnel, les institutions, tout est mis en place pour éloigner les personnes indésirables, et derrière ça évidemment donc pour empêcher l'immigration indésirable. Or, si on analyse concrètement les chiffres, tout d'abord, il y a quand même une minorité de demandeurs d'asile et de migrants irréguliers qui passent par les centres fermés. Je pense que c'est de l'ordre de 10% des demandeurs d'asile qui passent par les centres fermés et de 1% des personnes en séjour irrégulier, selon les estimations. Si on compte qu'il y a plus ou moins 100 000 sans-papiers en Belgique, on n'a jamais de chiffre précis là-dessus, mais si on part sur une estimation de 100 000, il y a plus ou moins 1% de ces personnes qui passent par un centre fermé. C'est calculé sur une année. Donc déjà, ça concerne peu de gens. Il faut s'en réjouir, hein, évidemment. Ouais. Mais je ne suis pas en train de plaider pour qu'il y en ait plus. Mais ça montre la faible utilité finalement de ces centres fermés, en tout cas par rapport à leurs objectifs proclamés. Donc il y a peu de gens qui y passent. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand on observe ce qui se passe dans les centres fermés, sans rentrer dans les détails, il y a à peu près une personne sur deux qui passe dans un centre fermé, soit inutilement, soit abusivement. Abusivement, pourquoi ? Parce que elle n'aurait pas dû s'y trouver. Il y a parfois des erreurs. Je cite toujours, mais on a déjà retrouvé des Belges en centre fermé, des Belges SDF qui se font arrêter par les flics et qui n'ont pas leurs papiers sur eux. Il y a des personnes migrants européens, j'imagine. Et on les prépare au retour vers quel pays ? C'est là le problème. On cherche d'où ils viennent et puis ça prend parfois un certain temps à se rendre compte que c'est vers la Belgique qu'on doit les renvoyer. Et alors là, à ce moment-là, on les libère et on les renvoie en Belgique. D'où l'intérêt d'une carte à puce sous-cutanée pour nous tous d'ici quelques années. Abusivement aussi parce qu'il y a finalement des personnes qui obtiennent, enfin, soit qui avaient des papiers dans un autre pays, soit qui obtiennent leurs papiers et donc on se demande pourquoi ils ont dû être détenus si longtemps alors qu'ils étaient soupçonnés d'être des faux, entre guillemets. Et puis surtout inutilement, ça c'est la part la plus importante, c'est 45... presque 50% de personnes qui sont détenues en centre fermé parce que elles n'ont effectivement pas droit à des papiers en Belgique ou au titre de réfugiés. On les enferme pour les éloigner et puis au bout d'un certain temps, aujourd'hui on en est théoriquement à 5 mois même s'il y a des entourloupes pour contourner ça, mais il y a quand même, la loi a quand même finalement fixé un délai maximal de détention. On en est à 5 mois maintenant, mais c'est parfois plus, mais on va dire 5 mois. Eh bien, au bout de ces 5 mois, si la Belgique n'a pas réussi à éloigner la personne, puisque c'est quand même pour ça qu'on l'a enfermée, il y a quand même la chambre du conseil qui décide. Là, la détention devient illégale. Illégale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les a enfermés 5 mois, on n'a pas réussi à les éloigner et on les libère. Mais on les libère en disant on ne peut plus les enfermer, donc on les libère, mais ils ne peuvent pas rester en Belgique, donc on suppose qu'ils disparaissent. Mais ils disparaissent où ? Dans la clandestinité. Oui, avec un ordre de quitter le territoire. Avec un ordre de quitter le territoire, en général dans les 5 jours, et un billet de train pour rejoindre la ville la plus proche. Et après, on s'imagine qu'ils vont quitter le territoire par eux-mêmes. C'est ça, on présuppose qu'ils ont effectivement les moyens pour rentrer dans leur pays. Et l'envie. Bien, effectivement, c'est un descriptif assez clair que tu nous fournis. La semaine passée, on avait entendu un témoignage de Mustapha et un autre de Dédé qui avaient vécu ça de l'intérieur en tant que migrants qui subissaient les mauvais traitements et les négligences de la part de l'administration de ces centres. Et un point qui nous avait fort marqué aussi, c'était par rapport au climat actuel, c'était le fait que Dédé nous déclarait qu'en centre fermé, il est impossible pour les migrants de se mobiliser, de s'organiser afin de résister par rapport à leur détention. Parce que systématiquement, ces personnes-là étaient mises au cachot et systématiquement séparées aussi du reste du groupe tel que tu décrivais un petit peu tout à l'heure. Alors je ne sais pas si toi tu as déjà eu vent de certains cas d'émeutes ou de mobilisation au sein d'un centre qui ont mal tourné ou en tout cas qui n'ont pas eu l'effet qu'elles désiraient. Oui, enfin, des cas de tentatives d'émeutes, il y en a très très très régulièrement, des grèves de la faim, des émeutes. Il y a aussi des formes de rébellion plus personnelles et plus négatives qui sont les automutilations, les tentatives de suicide, etc. Ça, il y en a tout le temps parce qu'évidemment, un tel régime, et finalement, c'est pas tant le régime, les conditions de détention, mais c'est le principe pour ces personnes de se retrouver enfermées sans savoir pourquoi. Et en plus, au terme d'un parcours qui a quand même été souvent douloureux, évidemment que ça crée de la révolte. Mais donc il y en a régulièrement, mais qui sont vite étouffés parce que il y a là tout un dispositif, tout un personnel qui a donc, comme je l'ai dit, mission de conditionner ces personnes à leur retour, mais qui a en plus, ça c'est pas dans ses missions, il y a quelque chose qui saute aux yeux quand on creuse un peu le fonctionnement du centre et des pratiques mises en œuvre par le personnel, c'est qu'il y a une volonté, enfin ça c'est un peu propre à n'importe quelle institution, mais une recherche de calme. On veut le moins d'ennuis possible. Et donc tout ce qui est mis en place dans les centres fermés, c'est comme dit Nicole Meyer, c'est un subtil jeu entre la carotte et le bâton. C'est qu'il y a tout un arsenal de sanctions, de systèmes répressifs. Tu as parlé du cachot, il y a le cachot, il y a des privations d'avantages, il y a des corvées, il y a surtout des transferts, parce que dès que quelqu'un devient un peu trop turbulent, ou dès qu'il y a un groupe qui se forme, on le divise en transférant dans d'autres centres, voire vers des prisons. Et puis il y a tout un système aussi d'une politique occupationnelle, un système maintenant d'animateurs de groupes, etc., qui vise vraiment à calmer les gens. Je crois que c'est pas animateur qui s'appelle, c'est éducateur quelque chose, je ne sais plus, qui ont pour fonction d'animer les groupes, et justement, ça paraît très positif, mais là aussi, on découvre dans les textes qui décrivent leur mission qu'il est très clairement dit qu'ils ont aussi une fonction de connaître le groupe et de repérer les meneurs pour les isoler du groupe, quoi. Donc oui, il est très difficile de se révolter, de s'organiser au sein d'un centre fermé. Mais avant même tout ce dispositif, c'est déjà très difficile parce que ce sont des personnes qui sont quand même souvent abattues, le fait d'avoir eu un parcours compliqué d'exil et puis de se retrouver en centre fermé, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont abattues. Il y a aussi difficulté de créer un collectif vu que ce sont des gens qui viennent d'horizons très très différents, aussi bien en termes de pays, de langue, d'engagement politique. On a là des révolutionnaires et des réactionnaires, que ce soit en termes d'âge, en termes de classe sociale. Donc c'est très difficile effectivement d'avoir un mouvement à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on peut faire le lien? Tu parles justement de la difficulté de mettre en place un mouvement collectif du fait de la diversité des personnes qui sont là. Et pourtant, à l'extérieur de ces centres-là, dans la rue, toutes les semaines, on a des manifestations, on a des rassemblements de gens du mouvement dit des sans-papiers, du mouvement UDEP, des personnes qui, depuis, sous la bannière de l'UDEP, qui depuis 2 ans se mobilisent, mais qui sont sorties de l'ombre, entre guillemets. Finalement, comment est-ce que les centres fermés sont utilisés pour casser en quelque sorte aussi ce mouvement-là? Ou bien, là j'induis peut-être un peu trop, je voudrais juste te demander comment est-ce que tu ressens l'attitude des autorités, de l'Office des étrangers par rapport à ce mouvement qui est en place et qui a l'air d'effectivement prendre de l'importance? Alors oui, sur l'attitude des autorités, ben j'imagine que vous en avez déjà parlé aussi. Il y a quand même des tentatives de répression, d'arrestation de certaines personnes, évidemment, souvent des personnes qui étaient plutôt un peu meneurs ou en tout cas fort impliquées dans le combat. Donc il y a évidemment une tentative de répression de ce mouvement qui, je voudrais plus revenir là-dessus, qui il faut le dire, est assez exceptionnel. Je tire vraiment mon chapeau à l'UDEP parce que depuis 2 ans, ils s'organisent. Ce sont les sans-papiers qui s'organisent eux-mêmes, comme tu l'as dit, toute origine confondue. Alors que jusque-là, c'était ça un peu la difficulté, c'est qu'il y avait des mouvements pour les sans-papiers, mais il était très difficile de faire bouger les sans-papiers eux-mêmes, enfin que eux-mêmes prennent leur combat en main. Bon, il y a eu l'occupation du Béguinage en 98, mais à part ça, c'était très difficile. Ou alors, si ça se faisait, c'était au sein d'un certain groupe national, les Afghans. Et donc là, l'UDEP, c'est vraiment, il se passe quelque chose de décisif, j'ai l'impression là, c'est que ce sont les sans-papiers eux-mêmes qui s'organisent, toute origine confondue, il y a évidemment, comme dans tout groupe qui se constitue, des divergences, des difficultés, mais ils arrivent quand même à faire quelque chose de commun à partir de points de vue probablement assez divergents. Et surtout, ils osent s'afficher s'affirmer, alors que tout était, selon moi, mis en place pour empêcher, évidemment, les sans-papiers de s'exprimer, que ce soit dans un combat politique, mais même de manière générale. Il y a, et là, je reviens donc sur mon analyse des centres fermés, où je disais, finalement, c'est peu efficace par rapport à l'objectif visé, puisque ça touche peu de gens et qu'une personne sur deux finalement n'est pas éloignée, mais au contraire redevient ou devient un sans-papier. Eh bien, je crois que les centres fermés ont avant tout une fonction justement symbolique et de terreur qui servait entre autres à tenir les sans-papiers dans l'ombre. Je pense que l'immigration a toujours été acceptée à condition qu'elle soit docile et utile. Dans les années 30 ou 40, 50, elle était utile puisqu'on l'a fait venir pour travailler dans les mines, dans l'industrie, etc. Et elle était relativement docile parce que c'était des hommes seuls, sans leur famille, etc. On avait réussi à la tenir docile. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le sans-papier, astreint à la docilité, justement de par la peur du contrôle policier dans la rue. Tous les témoignages sans papiers parlent de cette peur de qu'il y a une camionnette de flics qui passe, la peur de l'arrestation, du centre fermé et de l'expulsion. Et je crois que les centres fermés ont entre autres une fonction symbolique de, entre guillemets, terreur sur les sans papiers qui sont ici présents. J'y vais ou On va effectivement rebondir sur l'actualité par rapport à ce que tu dis, en fait, par rapport à la peur qui effectivement, à peu près, la seule chose qui a l'air de toujours fonctionner, quoi qu'il arrive dans cette politique d'immigration. Ça, c'est effectivement assez marquant, puisque tu disais tout à l'heure qu'il y avait, toujours eu des grèves de la faim, des émeutes, qui se déclenchaient dans les centres fermés. Certainement que les rafles ont toujours eu lieu, les arrestations. Mais alors, ce qui est curieux en ce moment, c'est qu'on a l'impression que tout ce processus se poursuit, alors que précisément la question des sans-papiers vient un peu sur le devant de la scène. On a l'impression que depuis Saint-Boniface, les sans-papiers s'engagent de plus en plus, vont de plus en plus au grand jour. Et alors là, il y a eu une association qui a tiré un peu la sonnette d'alarme par rapport à ce phénomène. C'est la CRER qui a organisé avec l'UDEP une conférence de presse vendredi dernier, et donc on a été les enregistrer pour avoir un point de vue là-dessus. Parce qu'il y a un certain temps, avec l'UDEP national, et suite à la rencontre avec le ministre de Waal, il a été décidé que tous ceux qui n'ont pas demandé l'asile ni la régularisation, pour qu'ils puissent le faire, parce que Dewal, dans les entretiens avec les responsables de l'UDEP, avait demandé à ce que les gens se déclarent, parce qu'il ne peut pas régulariser les gens qui se trouvent dans la clandestinité. Alors, sur ce fait, nous avons jugé que c'est tout à fait normal que lorsque vous arrivez dans un pays, vous vous déclarez et demandez ce pourquoi vous êtes sur le territoire. Alors, bon, nous avons sensibilisé nos membres pour faire la demande de la régularisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Charleroi, tous les membres qui font partie de l'UDEP, l'Union pour la défense des sans-papiers, ont demandé une régularisation. Et à base de cette sensibilisation, nous avons pu aussi demander aux occupants de libérer les occupations. Parce que nous pensons qu'avec cette nouvelle demande, on puisse avoir des régularisations pour les gens qui souffrent ici en Belgique. Alors, ce n'était pas le cas. Maintenant, ce que nous assistons aujourd'hui, c'est que le fait que ces gens se sont déclarés, Dewal utilise maintenant un système de localisation de ces gens et arrive dès des petites heures le matin, entre 8h et 8h30, pour arrêter ces demandeurs de régularisation qui attendent la réponse à leur régularisation. On ne peut pas imaginer qu'il y a des choses comme ça qui se passent en Belgique. travaille pour la radio. Ah oui. Parce que moi, soeur, elle est là, le centre fermé, à la Bruche. Bruche. Moi, soeur. Ah, votre soeur. Oui. C'est le nom de votre soeur? Oui, oui. Elle est enfermée dans quel centre? La Bruche. Elle a été arrêtée quand? La semaine prochaine, jeudi. Cette semaine? Oui, jeudi la semaine prochaine. Parce que lundi va chercher un ministre du palais de justice. Et parce que je ne sais pas que. Elle a été convoquée? Oui, convocation avec le lundi. À palais de justice. Et à Forêt, il y a eu des arrestations de ce type? Oui, il y a une chinoise qui est déjà arrêtée. Elle est au centre fermé actuellement. Cela s'est passé il y a une semaine de cela, je pense bien, je ne me rappelle pas du jour, mais cela s'est passé il y a une semaine de cela. Oui. Vous savez bien, nous sommes là, nous n'avons pas de papiers, donc nous sommes obligés de travailler pour vivre parfois. Je pense bien, elle faisait des petits jobs pour des ventes, des choses dans les cafés, c'est pour cela qu'on l'a arrêté. Elle était sur son lieu de travail alors. Oui. Ici à Bruxelles, il y a eu aussi quelques membres de l'UDEP, des membres actifs qui ont régulièrement dans les manifestations qui se sont fait arrêter. Qui sont aujourd'hui dans le centre des Bruches, centre fermé des Bruches et des Max Place. Il y a eu aussi des opérations policières musclées, notamment celle de la Bourse, assez agressive avec des chiens, des policiers civils, des camionnettes, donc un contingent important de forces de l'ordre pour arrêter, contrôler d'abord et puis arrêter une vingtaine de personnes. Dont certains ont été libérés par après, mais le gros du groupe, on ne sait pas. On prend un certain nombre de sans-papiers. Après, dans le commissariat, on téléphone au centre fermé. Donc, s'il y a des places, on prend ces gens dans les centres fermés. S'il n'y a pas des places dans les centres fermés, on les relâche. On les relâche en leur donnant un ordre de quitter le territoire dans les 5 jours. Donc, c'est un peu arbitraire. Si tu as de la chance, tu es arrêté ce jour-là et les centres fermés, il n'y a pas de place, tu seras relâché. Sinon, si tu n'as pas de la chance, tu seras dans un centre fermé. Peut-être que tu vas passer 2 mois, 3 mois ou 4 mois dans l'enfer. Et après, on te relâche sans rien. La loi dit que quand tu fais une demande de régularisation et même si on te refuse, tu as droit à un recours. Et si tu as épuisé tous tes recours, tu peux t'organiser et partir volontairement si tu le veux. Mais aujourd'hui, nous assistons à une violation flagrante de cette loi. Parce que moi, dans ma commune à Charleroi, j'ai eu 4 cas. Et parmi ces 4 cas, il y a 2 qui sont encore aujourd'hui en détention. Il s'agit de M. Chokre Salim, qui est membre de notre mouvement. Il a fait une demande de régularisation en date du 12 avril 2005 sur notre demande. Nous sommes déjà dans la 3e semaine qu'il a été arrêté chez lui, dans sa maison, entre 8h et 8h30. Conduit directement au centre fermé 127 bis, où on le signifie maintenant le refus à sa demande. Cette manière de faire, nous ne l'acceptons pas. Parce qu'au centre fermé, il n'a pas les moyens de s'organiser pour défendre, pour introduire son recours. Et donc, nous voyons que vraiment, c'est contradictoire à la loi. Être sans papier, c'est pas être criminel. Être sans papier, il peut faire comme tous les autres, il peut travailler légalement. Donc, libérer les sans papier, c'est pas des criminels, c'est pas des voleurs, ce ne sont pas non plus des bandits. Régularisation. Quand on applique l'arbitraire conduit à la clandestinité. La clandestinité, c'est la base de quoi? De la précarité des gens qui sont ici. Les milliers de gens qui sont ici, ils sont exposés entre les mains des abuseurs, les proxénètes, les experts en travail noir, tout ça. C'est en train de créer un déséquilibre. Pourquoi est-ce que ces régimes d'exception à l'égard des sans-papiers dans un état de droit? Ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Et de plus en plus, on constate que M. De Waal a vraiment l'intention de déstabiliser les mouvements de sans-papiers ici en Belgique. Il y a quelques temps, on avait arrêté, on avait procédé à l'arrestation de M. Anissé Mwamba, qui est le porte-parole de l'UDEP à Verviers. Et vraiment, comme il y a eu beaucoup de bruit, moins de 24 heures après, il a été relâché. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On constate que partout, de gauche à droite, à Bruxelles, à Charleroi, à Liège, partout, on est en train d'arrêter les sans-papiers. On a essayé, donc, au cours de, dernièrement, d'essayer de, avec les contacts, avec les associations comme la Ligue et d'autres, le MRAX, d'essayer de donner une certaine protection aux militants de l'IDEP et aux militants de Sans Papiers. Parce que nous, on a vu, par exemple, il y a des gens qui sont arrêtés, par exemple, les Belges ou du tout, on les considère comme des prisonniers politiques, on essaie de faire de sorte de les libérer. Mais par contre, les militants de l'IDEP ou les militants des sans-papiers, donc on s'en fout, donc ils sont dans les centres. On doit les considérer aussi comme des prisonniers politiques parce que ces gens-là, ils se montrent, ils luttent sur le terrain. Et donc on les arrête, on les considère comme des sans-papiers, on les met dans les centres fermés, mais il n'y a pas vraiment une action de la part des associations aussi de les considérer aussi comme des prisonniers parce qu'ils mettent leur vie en danger et leur avenir en danger en militant au sein du mouvement des sans-papiers. Alors aujourd'hui, tous les membres de la section de l'UDEP Charleroi qui sont des sans-papiers sont inquiets. Alors nous dénonçons cela et nous demandons à Dewal soit qu'il régularise les gens et ou bien d'arrêter d'abord de faire la descente dans des maisons parce que nous avons un projet de loi que nous avons introduit, le projet de loi de l'UDEP. Et il nous a été dit clairement que après les élections, ils vont faire face à cela et les partis politiques, y compris certains partis politiques de la région flamande, que ces partis politiques diabolisaient, que ce gouvernement diabolisait, que c'est eux qui sont à la base du refus de régularisation. Aujourd'hui, ces partis politiques disent qu'il faut régulariser. Alors, nous ne savons pas pourquoi on persiste et on crée des catégories de gens qu'on laisse dans cette précarité. Donc, nous demandons à ce que cette descente-là cesse. Sinon, nous allons rentrer encore dans des occupations à Charleroi. Et cette fois-ci, et ça serait très dramatique pour la commune, et ça serait très dramatique aussi pour le pays. Depuis que le mouvement existe, depuis que le mouvement UDEP a été créé et que il a pu générer un nouveau débat sur la régularisation, les actions qui ont été entamées, on ne peut plus demander aux gens d'aller se cacher. On ne peut plus demander aux gens de vivre encore dans la peur. Notre devoir et notre responsabilité aujourd'hui est de prendre en main cette situation et de réagir en tant que comme et courageusement. Nous, à Bruxelles aussi, on était en train de réfléchir sérieusement à une prochaine occupation, et une occupation qui serait sûrement suivie d'une grève de la faim. Mais on se pose quand même pas mal de problèmes, pas mal de questions sur l'action en elle-même. Il n'y a pas que l'occupation et la grève de la faim qui vont arriver à donner des papiers, à ces sans-papiers. Il y a eu pas mal de grèves de la faim et pas mal d'occupations. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça un peu presque normal que les sans-papiers occupent des églises et qu'ils mènent des grèves de la faim. À mon avis, notre débat devrait se concentrer, et nous, en tout cas, on est en train de le faire ici à Bruxelles avec les autres, sur quelles seront ces autres actions parallèles à la grève de la faim et l'occupation qui seront menées pour augmenter la pression semaine après semaine. Ça va être très bien qu'une grève de la faim, ça ne dure qu'un mois. Donc on a 4 semaines. 30 jours pour gagner un bras de fer avec le gouvernement dans ce cas-ci. Donc on est là pour demander en premier temps la libération immédiate de nos camarades qui militent et que ces procédés-là ne vont pas arrêter le mouvement des sans-papiers. Ça ne fait que faire sortir aussi les sans-papiers de l'ombre et pour dire non, non à cette politique, non à la répression et pour la régularisation. Voilà, c'était un reportage qui se passait à la fois donc dans cette c'était le siège du MRAX, il me semble, rue de la Poste, et là donc on était là pour une conférence de presse, et évidemment à la suite de cette conférence de presse, il y avait une action qui était une manifestation devant l'Office des étrangers. Et alors cette manifestation devait soutenir une délégation. Mais alors, Monsieur Rosemont a fait répondre qu'il n'avait pas très envie de rencontrer les médiateurs qu'on lui proposait. Finalement, il a quand même accepté de rencontrer Monsieur Mohamed Boukourna, qui est député PS et qui est allé en délégation pour lui dire effectivement ce qui se passait quant à ces arrestations, les arrestations donc de ces 2 dernières semaines. Et il s'est entendu répondre qu'effectivement, il n'y avait aucune espèce d'intention de criminaliser le mouvement et que si c'était effectivement beaucoup des militants UDEP qui étaient arrêtés, c'est un grand hasard, et que pour l'instant ils ne pouvaient rien faire pour libérer qui que ce soit. Donc voilà, c'était l'action de la semaine un peu. On voit que donc l'histoire, c'est que il y a un processus donc de rafles et d'arrestation qui continue, alors que on est plutôt dans une phase de campagne et d'expression et de débat. Donc c'est un peu curieux cette contemporanéité. Et en tout cas, c'est toujours assez inefficace, puisque ça ne fait que renforcer la peur, mais ça, c'est en train d'entraîner en fait un peu une radicalisation ou un retour à des occupations, etc., ce qui est peut-être pas très productif en l'occurrence. Alors, je fais une analyse comme ça générale, je ne sais pas si elle s'applique exactement à ces rafles-là de ces deux dernières semaines, mais le fait qu'on soit en campagne, justement, ça peut avoir du sens, parce que pour moi, les rafles, tout comme les centres fermés, je l'ai dit, qui finalement ne touchaient que peu de personnes et n'arrivaient à expulser qu'une personne sur deux qui y passe, les rafles aussi, elles sont ponctuelles. Presque chirurgical, je dirais. Le but, on n'est pas dans les années 30 en Allemagne. Le but n'est pas de rafler tout le monde. Le but, justement, est de faire quelques rafles qui ont pour effet donc de maintenir cette terreur sur le sans-papier pour qu'il reste invisible, docile. Et on n'abordera pas ce sujet aujourd'hui, mais évidemment, quand je dis être docile, c'est évidemment parce que il est très utile au niveau de l'économie informelle. Donc, l'immigration a toujours été instrumentalisée à des fins économiques. On avait l'immigration de travail au moment de la production Fordiste dans des grands complexes production salariée, etc. Aujourd'hui, mon analyse, mon hypothèse, c'est qu'on a l'immigration irrégulière au service de la dérégulation économique et salariale. Donc, le sans-papier, c'est le prototype du travailleur dont a besoin l'économie à flux tendu, enfin, toutes ces nouvelles techniques de management. Où on veut des gens très précaires, très flexibles. Le sans-papier, c'est le plus précaire et le plus flexible de tous les travailleurs. Donc, les rafles, pour moi, c'est comme les centres fermés, elles participent à maintenir cette terreur sur le sans-papier. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la terreur sur le sans-papier pour qu'il soit docile. Il y a aussi tout un jeu, parce que si on maintient des institutions comme les centres fermés, qui, comme je l'ai dit, ne sont pas très efficaces, coûtent très cher en termes humains, en termes financiers, en termes de réputation de la Belgique, les condamnations par la Cour des droits de l'homme, etc. Si on les maintient, c'est que ça doit remplir, ça doit servir des intérêts ou produire des effets qui ne sont pas inintéressants. Et donc, les rafles, c'est la même chose en période électorale. C'est que c'est peut-être aussi ça a peut-être aussi comme rôle de rassurer une opinion publique. Une opinion publique qu'on a préalablement inquiétée. Donc une opinion publique qui se pose plein de questions sur l'avenir et sur ce que peuvent encore faire ces gouvernants par rapport à tout ce qui est chômage, insécurité économique, etc. Eh bien, je schématise fortement parce qu'on est pressé. Cette opinion publique, on l'inquiète en lui disant il y a des graves problèmes, il y a une menace d'immigration, il y a des graves problèmes d'insécurité, il y a une menace terroriste. On la focalise là-dessus sur ces problèmes, on l'inquiète parce que c'est des questions sur lesquelles on peut la rassurer en sortant les gros bras, en sortant des rafles, en mettant en avant des centres fermés, etc. Tout ça me rappelle fortement quelque chose qui est en train de se passer à l'ouest de la Belgique, non, peut-être ? À l'ouest ? Tu situes l'ouest où ça ? Tu vois, du côté de ce pays-là, c'est l'ancien royaume de Louis XIV, là où il y a un petit monsieur là qui est en train de se faire élire, un peu sur le même principe, je crois. Ce que j'ai dit pour la Belgique vaut pour la plupart des pays européens j'ai une analyse. Alors là, si on va vraiment dans le macro, sur une évolution vraiment un couplage tout à fait performant entre le néolibéralisme, donc dérégulation totale, et un retour de la force par le sécuritaire qui vient compenser cette dérégulation. Quoi. Suite au prochain numéro. Donc on peut voir à quel point effectivement tout ce système se tient et tient d'une politique et qui véhicule une image de l'autre une image de l'étranger et qui conditionne la population aussi à une certaine image de l'étranger comme une menace pour notre bien-être. Alors là-dedans, pour essayer de changer un peu la donne, ne faut-il pas justement avoir plus tendance à rencontrer l'étranger, à essayer de comprendre aussi tout ce qui se passe autour de l'immigration, autour des sans-papiers? C'est aussi le but de l'agenda, c'est de vous inviter à fréquenter, enfin à aller à des activités ayant pour but de mieux comprendre tous ces phénomènes et à participer à des débats collectifs par rapport à cette question. Donc c'est Tamara qui va nous présenter l'agenda pour la semaine à venir. Et donc pour clôturer l'émission Journal sans papier, je vous invite déjà demain, puisque vous savez tous que c'est un jour de congé, un jour de fraternité, célébrer le travail Place Troupe du côté du syndicat de la FGTB avec tant d'autres gens. Et l'UDEP se rejoindra tous ces groupes syndicaux pour lutter pour un travail pour des conditions plutôt d'embauche et de travail meilleures, mais aussi pour un quotidien qui améliore à la fois le sort des travailleurs réguliers et ceux dont on parle assez mal, les étrangers ou les travailleurs invisibles. Ça se passe demain à Place Roupe à partir de 2h de l'après-midi. Et il y a pas mal de choses. L'affiche se promène dans la ville et on peut la voir. Demain aussi, si vous n'aimez pas Bruxelles, vous pouvez vous rendre à Liège. Et là, il y a la parade des migrants et des précaires qui part sur le principe de revendications telles que pour la régularisation contre les centres fermés. Et d'autres choses encore, ça se passe à Liège, gare des Guillemins. Rendez-vous à 14h. À 14h, donc. Et puis, pour terminer, un autre agenda, c'est ce vendredi, de 11h à 13h, manifestation pour la régularisation des centres fermés devant le bâtiment, le gouvernement, bâtiment de la gouvernement. La régularisation des centres fermés, j'y vais pas, moi. Non, la ferme, j'ai dit ça. Oui, mais c'est pas vrai. J'ai lié entre les lignes, je suis vraiment désolée. C'est le temps qui presse et on est complètement à côté de la plaque. Fermeture de tous les sans-papiers. Non, vas-y. Manifestation pour la régularisation des sans-papiers, donc devant le gouvernement de la communauté flamande, boulevard Roi Albert II à 1000 Bruxelles. Et puis sinon, tous les lundis, de 11h à midi, devant l'Office des étrangers, l'UDEP et d'autres collectifs de soutien invitent tout un chacun à venir faire un meeting hebdomadaire le lundi, donc de 11h à midi. Et puis donc, ce qui est pour rejoindre ce que nous disait Judith concernant la rencontre, aller vers l'autre et découvrir un peu de quoi il en retourne, et l'église Saint-Curé d'Ars à 1190, c'est Forêt. Forêt, donc 25 avenue de Havenskerk, organise un pique-nique-spectacle du côté du 5 mai, entre 14h et 19h, donc à l'église Saint-Curé d'Ars. Il y aura donc un bar et un buffet. Les bénéfices iront aux occupants de l'église, car une occupation dans l'église, évidemment, il n'y a pas de caisse noire comme dans les syndicats, faute de travail clair. Donc difficile de faire mieux que de se procurer un peu de sous par les amis, les gens qui nous soutiennent, et puis surtout les voisins qui apportent aussi toutes les colis alimentaires. Et puis enfin, une dernière petite nouvelle, c'est que le spectacle La traversée de la mort continue, et à peu près chaque soir de la semaine, ils organisent une rencontre débat. Et là, ce dimanche à 16h, il y a la représentation La traversée de la mort, et puis à 17h30 jusqu'à 19h30, un débat sur le genre, justement le genre dans la migration. Femmes, migration et engagement. Et ça se passe donc Place des Martyrs à 1000 Bruxelles. Et puis enfin, le 2 mai, pour terminer, alors ça c'est en fait mercredi, c'est bien de finir avec ça d'ailleurs, parce que c'est la publication et publicité d'un livre qui s'appelle Parole d'exil. Elle aura lieu au Parlement de la région bruxelloise, qui se trouve rue Lombard, à 1000 Bruxelles. Et ça commence à 16h30, c'est ça? Plus d'informations sur le site justement papierunpapier.be, qui est un peu le site que le Bruxelles Laïque et l'Assemblée des voisins et d'autres collectifs de soutien ont mis en place pour justement faire ce que je fais, à savoir mettre un agenda à jour avec toutes des activités relativement proches ou relativement intéressées à soulever et battre la campagne sur la question de la régularisation et contre les centres fermés. Bravo. Bravo, merci. À bientôt. Jusqu'à atteindre le sommet. Mais le sommet est long à atteindre.